Jusqu'à l'heure où je gravis derrière Duncan les pentes abruptes au-dessus de Balavo, je n'ai gardé de cette matinée que des impressions sans cohérence. La figure ahurie d'un muletier, à qui Duncan proposait, en lui glissant de l'argent dans la main, d'emmener son fils jusqu'à Saint-Pierre-de-Claix, nous allées et venues sous un soleil pâle qui brûlait nos nuques, le visage du maire et celui du curé, l'un goguenard et l'autre plein de prudence, tandis que Duncan essayait encore de les convaincre. Leur refus, presque dans les mêmes termes, d'alarmer le village et de faire sonner le tocsin, un rapport officiel déployé sous nos yeux, attestant le bon état des bis. La chambre boisée, aux fenêtres fleuries de géranium, où le prêtre nous exhortait à ne pas nous abandonner à l'imagination. Et puis les prés, où des faneurs se hâtaient sous la menace de l'orage, avec les gestes frénétiques des silhouettes de l'écran. Il ne tournait même pas la tête pour répondre à Clarence. Des gamins lui jetèrent des quolibets, et le paysage où mes yeux revenaient toujours, si net et si définitif, au milieu de ce flottement des êtres, ces hautes croupes ardentes qui découpaient sur le ciel blanc une longue arête couleur d'ocre, traversée de coulées de pierrailles, habitée de blocs erratiques, et où s'accrochaient de plus en plus pauvres les dernières plaques vertes. Et au pied des escarpements, ce repli des moraines que Duncan montra en disant « Derrière ces moraines, il y a un lac ». Cependant, je me souviens qu'à travers cette torpeur qui m'accablait, j'ai appelé Duncan. Je l'ai rejoint pour lui avouer « Clarence, j'ai rêvé cette nuit, je pardonne ». Il répondit d'une voix lointaine « Peut-être avez-vous laissé passer l'heure ». Je ne sais pourquoi cette parole me donna le frisson. Déjà, il ajoutait, retrouvant l'intonation affectueuse, « Vous avez raison, old fellow, il n'est jamais trop tard pour pardonner. » Nous avions dépassé les derniers faneurs, les dernières prairies. Au-dessus commençaient les pentes de terre délitées où se cramponnait encore une forêt. « Je veux aller là-haut, » dit Duncan. Là-haut, des échelons de poudingue et de glaise durcis, la forêt, le lac invisible, à quoi bon ? Duncan, si la chose se produit, votre vie. Il me regardait avec douceur. Ma vie. J'essayais d'insister. Il n'y a personne plus haut, alors pourquoi ? Vous vous trompez, répliqua-t-il. Il y a encore des huttes de pierre là-bas, sur l'épaulement, un troupeau de moutons, des bergers. Ils ne voudront rien entendre comme les autres. Déjà, il s'éloignait à grandes enjambées à travers les éboulis chauffés par le soleil qui laissaient tomber droit sur nos têtes une averse brûlante. Et j'ai suivi Clarence. La pente se faisait plus roide, des cailloux glissaient sous nos pieds, le sentier se perdait dans les pierrailles, la forêt enfin nous recueillit. Une procession d'arôles rabougris décimés par les neiges du dernier hiver. J'étais ruisselant. Une sourde colère m'agitait. J'en voulais à Duncan de tous ses efforts inutiles. Ce fut un répit d'un quart d'heure sous l'ombre pauvre et la grimpée recommença le long des flancs de cette montagne maudite. Nous avons émergé sur une terrasse qui découvrit des touffes d'herbes clairsemées jusqu'au pied de la moraine. « Ici, » dit Duncan, qui s'arrêta. Au fond de l'entonnoir des prairies, Balavo assemblait ses chalets rapetissés dont les toits de schiste miroitaient comme une flaque d'eau grise. Je mesurais la distance et je regardais Duncan avec inquiétude. Il avait les yeux rivés sur les pentes d'éboulis au-dessus de nous, et je distinguais la masse claire et tachetée d'un troupeau de moutons qui dévalait des hauteurs. Ils se tenaient à tel point serrés les uns contre les autres qu'on eût dit un seul corps se déplaçant. On entendait les aboiements des chiens. Un berger et un enfant couraient derrière eux. Ils approchaient. Les bêtes, en atteignant leur plat, ralentirent leur course et puis s'arrêtèrent, hésitantes. Duncan interpella l'homme qui tourna vers lui une figure sèche et ravinée entre les mèches de cheveux blancs. « Vous venez de là-haut ? » Le berger eut un mouvement et j'observai le gamin à côté de lui qui pleurait à chaudes larmes. « Ce sont les moutons qui ont pris peur. » dit le vieux à voix basse, rien ne peut les retenir. « Vous avez remarqué ?» demanda Duncan. « Il y a de la terre qui glisse au-dessous des crêtes. Il en est venu jusqu'à l'alpage des moutons. Elle vient doucement et puis elle s'est arrêtée. Duncan regarda le petit berger qui pleurait tout en marchant derrière ses bêtes. Il l'appela et l'enfant vint auprès de lui. « Pourquoi pleures-tu ? » « Il ne sait pas, dit le vieux, c'est un innocent. » Alors Duncan saisit le vieillard par le bras et penché vers lui, il parlait à voix basse. Il martelait des syllabes tout près de son oreille et j'entendis les derniers mots. « Ceux d'en bas ne veulent pas croire. Nous allons pousser le troupeau devant nous en criant, alors les hommes prendront peur. Ils se mettront à courir aussi. » Le vieux regarda Duncan longuement et sur sa figure immobile, une pensée confuse se faisait jour peu à peu. « Les bêtes ne demandent qu'à descendre. Voyez, dit-il enfin, elles en savent plus long que nous. » Et il désignait le troupeau qu'une force invincible semblait attirer tout au bord de l'épaulement. « Vous aussi, peut-être, vous en savez plus long que nous, » conclut le berger. « Écoutez, les pierres commencent à couler, » fit Duncan. « J'en ai entendu toute la nuit. » « Je n'ai pas entendu cette nuit, » répliqua le berger, « mais celles-ci, je les entends. Allons !» Il n'eut pas besoin d'exciter son troupeau. Les moutons s'ébranlèrent tout à coup comme s'ils eussent perçu un signal mystérieux. Les premiers rangs bondirent dans le vide, les suivants se bousculèrent derrière eux. Tous ces dos pressés ondulaient d'un seul mouvement. Les chiens aboyaient. Le vieux berger tirait de sa gorge deux notes rauques. Le gamin redoublait de sanglots. Maintenant, le troupeau nous entraînait dans sa folie. Nous n'étions plus qu'une masse qui dégringolait au hasard des éboulis, sans souci du chemin. Et voici que peu à peu, la peur contagieuse se levait en moi. Ce long cri jaillit des sources de l'être, comme un appel d'angoisse. Était-ce moi qui le poussais ? Nos voix réunies modulaient un concert affreux. Je vis des gens qui sortaient des cabanes de pierre à courir et crier avec nous. Un troupeau de génisses meuglantes, je ne sais comment, se trouva emporté dans notre fuite. En un rien de temps, la forêt fut dépassée, et déjà les faneurs se redressant nous regardaient venir. Cette fois, nous ne leur parlerons plus. Nous passons en trombe derrière les bêtes affolées, et je vois des hommes et des femmes jeter leurs fourches et détaler à notre suite. La panique absurde accomplit ce que tous les raisonnements n'avaient pu obtenir. D'autres gens courent vers le village. Nous ne nous attarderons pas à les attendre. Nous ne sommes plus qu'un corps déchaîné, hommes et bêtes. Nous hurlons, nous meuglons, nous bêlons. Et la pente se dérobe sous nos pieds et nous laisse rouler. Duncan, seul, a gardé son sang-froid, mesure ses gestes et sa voix qui clame par intervalles « Sauvez-vous !» Et je reconnais, attachés à ses pas, un groupe de paysans sceptiques et le maire Goguenard. N'est-ce pas un cauchemar ancien qui m'a ressaisi ? On rêve qu'on est lancé à travers l'espace et l'effroi de la chute vous réveille. Mais non, je fais partie d'une avalanche véritable. Je suis une pierre parmi d'autres pierres que sollicite le précipice et le sol sous nos pieds se met en mouvement. Combien de temps dura cette course insensée ? Je ne sais. Cela me parut à la fois démesuré et rapide, comme si les minutes volaient avec nous. Il n'y avait plus de réel que cette foule en déroute, où des gens et des bêtes se pressaient, se poussaient, criant, sanglotant, priant, mugissant. Une route plate au fond de la vallée enfin nous reçut. Le troupeau humain s'y écoula derrière les animaux, continuant leur fuite éperdue. Alors, je sentis Duncan me saisir par le bras. Il était pâle et soufflait à peine, alors que la sueur ruisselait sur mon visage et que les battements désordonnés de mon cœur m'étouffaient. « Nous allons grimper par ici, » dit-il en indiquant un sentier qui zigzaguait sur le versant opposé dans la direction du Rosay dont la silhouette sombre apparaissait au sommet des prairies. Quelques hommes s'étaient arrêtés aussi et ils se retournaient du côté de Balavo qui alignait ses chalets au bord de sa terrasse verte. Les prés pâlissaient sous la lumière plombée. La montagne, au-dessus d'eux, gardait son habituelle expression d'immuabilité. Les hommes se concertaient à mi-voix. « Ils n'auront pas le temps de remonter, » murmura Duncan. Et, de son long pas tranquille, il se mit à escalader le sentier du Rosay. Alors, j'aperçus le petit berger qui le suivait. Il ne pleurait plus. Il marchait dans les pas de Clarence sans cesser de le regarder. À mi-chemin sur un éperon découvert, Duncan s'arrêta. Il semblait épuisé de fatigue. Il se laissa tomber sur une roche au bord du sentier. Les escarpements qui dominaient Balavo s'étalaient devant nous. Le regard s'emparait de tout ce versant nu. L'orage s'était éloigné. La lumière oblique allongeait en ombre bleue et nette les durs profils, cernait d'un trait vif les arêtes, accusait les stratifications de poudingue clair entre les lits d'argile rouge, et les grandes roches échouées le long des pentes s'inscrivaient en haut relief. « Ta maman est là-bas, » disait Duncan au petit berger. « Oui, là-bas, » répondit l'innocent en montrant Balavo. Il y eut un silence. Duncan semblait perdu dans la contemplation des longues crêtes que le soleil déclinant teignait de pourpre. Il avait l'air d'attendre quelque chose. Quoi ? Sitôt que je n'étais plus sous la domination de son regard, l'âme impassible des paysans se substituait à la mienne. « Laissez-nous rentrer nos foins. Allez raconter à d'autres vos lubies. Monsieur, au nom du bon sens !» Et je regardais ce rude paysage installé pour l'éternité. Ma fatigue était telle que je glissais dans une somnolence, couché sur le tapis de mousse. Les images troubles qui m'avaient obsédé toute la journée s'évanouissaient avec le meuglement des génisses perdues dans le lointain. Alors mon esprit s'évada de cette prison de rocs et de pierrailles, retourna dans les plaines françaises, le long des routes où filait l'automobile qui ramenait Philippe à sa grand-mère. J'assistais à leur revoir, et je l'apercevais aussi celle à qui j'avais pardonné. Triste, hélas, menée par des agents, et rentrant en larmes dans sa chambre solitaire que je ne connaissais pas, la vision fut si nette que je me réveillais. Oui, je trouverais sa lettre à Saint-Pierre-de-Claye. Demain soir, peut-être, je serai à Paris. Je me dressai, je vis Duncan debout, adossé au tronc d'un sapin, et qui tenait ses yeux rivés sur la montagne en face de lui. Que regardait-il avec cette fixité terrifiée ? Je me penchai à mon tour, et ma pensée fut suspendue. Cet ensemble de terre, d'escarpements, d'éboulis, cessait d'être immobile. Cela commença d'une façon presque insensible. Un glissement des terres jaunes qui faisait onduler la grande ombre bleue de l'arête, une roche qui oscillait, hésitante, et tout à coup se décida et descendit la pente. Et derrière elle, comme une suite pressée, d'autres blocs s'échelonnèrent. À droite, à gauche, les pierres, gagnées par le même vertige, se mettaient en marche, et leur vitesse s'accélérait peu à peu. Alors je compris que le sol se déplaçait au-dessous de la moraine. Les éboulis fondaient en un glissement continu. Tout l'escarpement de terre nue cédait à la fois, roulait comme un fleuve, balayant des épaves et où naviguaient des rochers. Mes yeux éperdus remontent jusqu'à la moraine. Il semble que la moraine vacille. Non, ce n'est pas une hallucination. Elle s'ébranle très lentement. Elle s'écroule avec méthode, comme si elle se retenait après chaque enjambée. Et puis ses soutiens l'abandonnent. Elle hâte son allure et dans sa course, elle se déchire. Et voici qu'au sommet de la masse claire des sables et des cailloux agglomérés, une ligne sombre apparaît. « Le lac, » murmure Duncan, « le lac a rompu son barrage. Le lac, enchaîné au pied des hautes parois, est mis en liberté. Il s'engouffre dans les entonnoirs de la moraine en larges cataractes irrésistibles. Il collecte les rocs, le précipite, le mouvement des terres. Il étale une nappe d'eau boueuse qui s'élargit sans cesse et coule avec le sol. Il atteint le pierrier, le noie, l'entraîne. Tous les éboulements anciens se raniment, reprennent leur marche suspendue. Les pentes de la montagne se défont. On les voit se gonfler, puis s'effondrer, masse confuse déambulant vers l'abîme dans un bruit de tonnerre lointain qui s'enfle par intervalles. Les aroles ont lutté quelques secondes. Déjà, ils perdent pied, se brisent et deviennent des flots perdus dans le fleuve immense. Il se répand sur les prairies de Balavo. Il avance vertigineusement. La plainte terrifiée du village arrive jusqu'à nous. Le clocher exhale une sonnerie éperdue qui s'arrête net. Déjà, la marée de boue l'assiège, déferle autour des chalets, monte le long des façades, atteint les toits. Le village n'est plus qu'un flot à demi submergé qui disparaîtra tout à l'heure. Et l'avalanche, poursuivant sa route, s'engouffre dans les profondeurs de la vallée. Clarence, Clarence! Mes yeux remontent les pentes qui continuent de glisser. J'essaie d'appuyer mon regard aux sommets immobiles, et voici que les formidables rochers échelonnés le long des crêtes s'ébranlent à leur tour. La corniche de Poudingue, qui couronne la plus haute cime, bascule et se renverse. Ce profil de montagne qui bouge sur le ciel, le monde se défait et retourne au chaos. Ah, que cela finisse! Que cela finisse! C'est presque un soulagement que de voir cesser l'incertitude de cette haute roche aiguë qui part enfin, écrasant comme un rouleau les tronçons de forêt. Sur toute la longueur de ce versant, ce n'est plus qu'un pêle-mêle de blocs errants qui se rejoignent, se heurtent, se dépassent. Ce n'est plus qu'un vaste écoulement de terre et de pierrailles. Duncan, Duncan ! Ma voix tremblante appelle au secours. Je ne peux plus regarder cette montagne en folie, bouleversée comme un visage humain. Et pourtant mes yeux retournent sans cesse là-bas. Elle rétablit des lignes qui se disloquent aussitôt. Maintenant qu'est rompue la discipline qui la tenait immobile depuis les âges géologiques, il semble qu'elle ne pourra plus se calmer et qu'elle continuera sans fin d'effondrer ses terrasses, d'abattre ses sommets. Sa vie démente ne se communique-t-elle pas à travers la distance? Lorsque je me retourne vers le cirque de rochers qui ferme la vallée, où les hautes tours, assises en demi-cercle, se tiennent comme un groupe de témoins impassibles, mon regard s'attache à ce point fixe, avec l'effroi de les voir tout à l'heure entrer dans la danse des éléments, et j'attends la minute mortelle où, gagné par cette aberration des choses, possédé d'une frénésie pareille, nous irons nous briser comme les pierres, rouler avec entre les épaves jusqu'à l'abîme. Le petit Valaisan, qui éclatait en sanglots, me tira de cet évanouissement intérieur. Lui aussi, en sortant de l'hébétude, avait dû chercher son village, sa maison, et ne les trouvait plus. Duncan ne fit pas un mouvement, sembla ne pas entendre. Il gisait sur la mousse comme un blessé, les yeux clos. Son visage portait une telle expression de souffrance que je n'osais parler. Du temps passa. Le tocsin du roset descendait jusqu'à nous par longues volées haletantes que le vent éparpillait sur le tonnerre confus des avalanches. Le crépuscule commençait de faire pleuvoir ses cendres bienfaisantes. Alors je recouvrais un peu d'énergie et j'appelais Duncan. « Clarence, nous avons encore un long chemin jusqu'à Saint-Pierre-de-Claix. » Il se dressa lentement, son grand corps d'athlète chancelait. Il fit quelques pas, et le bruit de ses souliers heurtant les cailloux m'apparaissait comme la seule réalité. Je le vis se pencher sur l'enfant. « Viens !» Duncan lui prit la main et lui dit avec douceur, « Tu resteras toujours avec moi. » Le petit ne pleurait plus, et j'ai suivi Clarence qui tenait la main de l'innocent. Comment nous sommes arrivés à Saint-Pierre-de-Claix cette nuit-là? Je n'ai jamais pu me le rappeler. Le grand soleil du matin, une foule ahurie se pressant dans cette bourgade de Saint-Pierre-de-Claix, des soldats du génie et des compagnies de pompiers qui défilent, des femmes en larmes, et je m'aperçois que des groupes s'attachent au pas de Clarence. Des faces où la stupeur est peinte se tournent vers lui. Il dit avec une sourde amertume, « Oui, c'est toujours ainsi. » Leur raison le veut ainsi. Les sauveteurs, les efforts désespérés pour trouver des cadavres, des vies humaines qu'on va sacrifier encore, tout cela lorsqu'il est trop tard. Il prend mon bras et répète « Trop tard ». Le mot tombe sur moi comme une pierre. J'éprouve un malaise obscur. Le bureau de poste est assiégé. La foule déborde jusque sur les marches. Il faut attendre. Clarence me regarde avec une douceur qui m'effraie. Je ne sais pourquoi, je me sens tremblant, comme quelqu'un qui redoute la confirmation d'un malheur. Lorsque vient mon tour de me pencher au guichet, je ne reconnais plus ma voix. L'employé tend une dépêche et une lettre, une enveloppe longue et parfumée, dont l'écriture m'est bien connue. La dépêche d'abord, je lis et je ne comprends pas ce que je lis. Avant regret, faire part terrible accident. Automobile poursuivie, brisée près d'elle. Voyageuse tuée. Enfant sain et sauf, ramené à Paris par nos soins. Chef du bureau de police. D'elle. La main de Clarence sur mon épaule, sa voix affectueuse qui perce le bourdonnement de mes oreilles. Votre fils est sauvé, vous pouvez être reconnaissant. Il parle encore, et la tendresse de son accent me galvanise. Allons, du courage, old fellow. Venez jusqu'à l'hôtel, vous serez mieux pour pleurer. C'est avec une sorte de terreur que dans la chambre où Duncan m'avait laissé seul, j'ouvris l'enveloppe qui laissait encore échapper la voix lointaine que je n'entendrai plus. « Mon cher Pierre, pardonnez, je suis trop malheureuse. J'ai voulu revoir notre enfant. À la sortie de l'école,